αποπικία μου που έτουτε να ξάντε του Ιαϊσκία Λέω. Κίσα πιτήσα του Μαμουζούρι να μου πιλήσω αμούνο παραδόξ. Μου πάνω του γελιά την ενδυμασί που του πάρετε να πωσάνει καλή. Τούκο να λαμουκεί απία, βαμιούκου να πατάτα που να το φάτα από ίντερνετ. Να μπω του να παραδοκία μου γίνα για Ιησού Χριστό. Να βαζιά του κοσίγωτε να φουρά. Γιώ ατά αμήνα κάμα μου τέκο νητήκα να φουρώ σε ισχύ. Με κάμα μου του ασύνα τένα να φουρά. Ατά σαούτια ητο βάκε μου ζούρι. Με κάμα κόκο φάση του να πάσα κουσάβου μάμπο ιότι του γονάει που μα μιλάνε γονιπάει φουάση. Juu bai fuashi tunakusanikia ni Mungu. Katikati yetu kuko mtu ambayo atone na macho. Me ekwako. Na kila ndugu na kila dada anapasha kuamini vile. Sa vile tuko na Mungu katikati yetu. Magumu mbalimbali na mamambo ile tuko nao sawa banadamu. Jibu inatoka kapaka kwa Mungu. Na njoo kile tuko nakusanikia kila siku mu wakati ya magharibi. C'est pour quoi wakati tunakuya pa ifuashi. Tunapasha kuya mu disposition mzuri. Hata kama uko na mambo ya je. Ile mambo uko nayo iko ya nguvu ni mu niveau yako. Mungu anafanyaka bintu bila hata siansa iyue. Bila hata wea uwaji yake me Mungu wetu anekala mbifuani. Kama unakuya kwa Mungu, kama tuko na hali mzuri, Mungu atakusaidia. Tuko na shibama shibote juu ya kusoma neno ya Mungu. Mututumie mwembo moya. Njia yote nao Yeah. fungula ma Biblia yetu. Nous ouvrons nos Bibles. Esaïe chapitre 35. Niko napenda tubebe chapitre yote mujima. Lakini niko naanzia mu verse yake 4 kushuka chini. Biblia inasema hivi. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra et la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Les boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans les repères qui servaient d'égite aux chacals, croîtront des rosées et des joncs. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impire n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, ni de bête féroce ne la prendra. Nul ne les rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec un chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Tombe kiloko shibote. tuko na kupikia asante mfalme na Mungu wa kumbingu. Asante juu ya kuitikia hii siku ya leo ipate kuyako. Tuko na kualika upate kushuka kuya katikati yetu. Sawa banadamu, tuko na kukusanikia ni wewe hapa. Tuko na kulomba buluma mubiote bile tulifanya inja mapenzi yako. Tuko napenda Senyere mushiku ya leo, bile tuko na shindwa shikuweza kupitia presensi yako katikati yetu, we Mungu tusaidie. Wakati tuatoka paifuashi Senyere, tukuye na nguvu ya Bukristo, maisha yetu Senyere ipate kutemwanyere elema kusema tuko ba Kristo wabia kweli. Utusaidie Seigneur. Tuko banadamu. Ndani yetu Seigneur, bila wewe hatutaweza kitu. Tuko naalika presence yako. Utukaburie tu ma disposition mzuri. Juu wewe ndio ulisema maneno yako. Miri batumia neno. Juu ibaokole. Tena juu ipate kubatunza. Neno yako Seigneur airudi yake bule. Kama unaituma tena kwetu mangaribi ya leo, Seigneur upate kuifanya, ifanye kifukuzio kile wewe Mungu litumie. Na pa kutoka mioyo yetu itafurahi. Asante Mungu wetu. Neno yoi tunasoma, mtu wote wa kufunda anaweza naye kuisoma. Mero yako iko ya mafaa juu ya kuweza kuitafsiri katikati yetu. Kumwanzo na kumwisho wewe uvume. Yote ndio tukufu ya jina yako. Mungine Yesu Kristo nakulomba hivi. Amen. Unaweza kuikaa. Mungu apate kumibariki. Mkuu yetu atantifu paske kura yetu inafanya kwa makelele. Maina ile itampeshe tushubiri habari njema. Mu Esaïe chapitre 35, verset yake 8, Biblia konasema, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Na tuko napenda tubebe kichwa kya mahubiri, la voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Njo ile tutasemea muima shiku. Jumu kila wakati banadamu banekalaka pa dunia. Mungu wa mbingu anekalaka paka na bile anekalaka mkutayarisha. Na banadamu na boba nekalaka na yabo matayarisho. Kama unangaria tangia manyakati ile litutanguria zamani. Kama tunabeba wakati ya Noe. Biblia kuna sema wakati bubaya budongezeka kapa dunia. Ukaidi uriendelea pa dunia. Na bitu bilikuwa nafanika pa dunia bikakuya machukizo kumacho ya Mungu. Mungu akabeba mipango ya kuharibisha bantu mwile wakati. Me Mungu akatayarisha njia ya kuweza kuokola bale batapenda kuokolewa. Na ile njia Mungu alitayarishaka mwile wakati ilikuwa paka moya. Na mtu yeyote mwakati ya Noe ule alipendaka kuokolewa mwile wakati, juu ya ye apate kuokolewa mwile wakati alipashwa paka kufuata njia ile Mungu alipasula mwile wakati. Hata kama mtu anakuwa na mawazo mzuri, hata kama mtu anafanya bintu bile bantu bana apresie, memu wakati ya Noe, Dieu akusema mtu apone kukasirani ya wa milele, aripashwa paka, ni mapashwa. Mungu apate kumbariki. Aripashwa paka, afuate njia ile Mungu alipasura mwile wakati. Bote bale barikatalaka. Njia ile Mungu alipasulaka mwile wakati. Bote barikufaka mumai. Mungu apate kumbariki. Hata bale barikuwa na mawazo ya bien. Kuya na mawazo ya bien mumambo ya Mungu. Aina alama ya kusema wako mumapenzi ya Mungu. Mungu apate kumbariki. Mawazo mzuri aina neno ya Mungu. Mungu mkila wakati anekalaka na manjia yake, ila anekalaka mkutayarisha juu ya kuepusha nao bana Adamu. Na mutu yote kama napenda kuepuka kukasirani ya wamilele, eko mumabashwa ya kupata ile njia Mungu alitayarisha, na ye aingie mwile njia Mungu alitayarisha, njo apone. Mungu apate kubariki. Juu inje ya njia ile Mungu alitayarisha mwakati ya Noe, hakuna hata mtu mmoja aliponaka. Paske hadithi iko nena narudia kila wakati. Kila wakati bantu wanekalaka na manjere wanajipasuriaka. Me njia ya mzuri na njia ya wokovu ni paka ile Mungu anatayarisha. C'est ce que Dieu prépare. Na njo ile mtu anaweza kuepuka. C'est avec cette voie que l'homme peut être épargné. Wakati Mungu alipenda kuokola bantu, quand Dieu a voulu sauver les gens, alilamusha Moïse. Il a suscité Moïse. Alilamusha Noé. Il a suscité Noé. Mukila wakati Mungu kona bantu analamushaka. Dans tout temps Dieu suscite toujours des gens. Juba ubiri habari njema. Pour qu'il puisse prêcher la bonne parole. Bantu baokolewe nayo. Et que les gens soient sauvés. Noé a ubiri. Noé a prêché. Bantu barikala kinyo wanangaria. Les gens étaient calmes, ils ont regardé. Asema hapana. Ils ont dit non. Est-ce que ni paka tu Noé kona raison? Est-ce que c'est seulement Noé qui a raison? Bantu barikwa na confusion. Les gens étaient dans la confusion. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Noé alikuwa mtu sawa bantu bote. Noé était un homme comme tous. Mais qu'est-ce qui pekee kilikuwa ndani ya Noé? La particularité qui était à Noé. C'est parce que Noé alikuwa mu mapenzi ya Mungu. Parce que c'est Noé était dans la volonté de Dieu. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Alikuwa mu mapenzi ya Mungu. Il était dans la volonté de Dieu. Bote bale balipenda kuokola maisha ya Yabo, tous ceux qui voulaient sauver leur vie, mwile wakati, en ce temps-là, devaient suivre Noé. Noé n'était pas un homme important. Parce que Noé n'est pas un homme qui avait fait tomber la pluie. C'est Dieu qui avait frayé cette terre. Noé alipataka nema ku macho ya Mungu. Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mungu akatayarisha njia kupitia Noé. Dieu a préparé une voie au travers de Noé. Bantu bakapona paka mu njia ya Mungu. Les gens ont été sauvés. Mina wajia kusema mwile wakati. Je pense que dans ce temps-là. Sa vile bantu mukila wakati manekalaka na rika makamu. Comme les gens sont téméraires dans tout le temps. Bengine na baba risema. Certains se sont dit, ça va, c'est vu Noé qu'on a fait une arche yaïf. Merci, comme Noé a fait cette arche, n'achète tout faire mbele, tout on mbele. Nous aussi nous allons construire voie. Mungu apate kubariki. Dieu vous bénisse. Sunona. Noé a chiku kwa na fanya kitu sa kupima. Noé n'était pas seulement. Est-ce que tu comprends moi? Non. Noé a rikwa na kile Mungu anasema. Noé avait ce que l'instinct. Bengine baranda kufanya bia kumfuatirisha. Certains faisaient pour imiter. Bana Noé anafanya miti Mungu alimuonesha na miti na kalite ya miti. Dieu lui a même montré la manière de faire les choses. Ata kama bale bantu. Et même si ces gens-là bari imité, avaient imité. Aba kupata kufanya exactement paka vile Noé alifanya. Il ne pouvait pas faire exactement. Parce que Noé yeye. Parce que Noé alikuwa na tolia kutokea kwa Mungu. Il avait l'instinct du Seigneur. Mungu apate kubariki. Na bote baripenda kuokolewa mwile wakati. Tous ceux qui voulaient être sauvés en ce temps-là, baripasha kubeba pa kufuata paka ile njia Mungu alipasula. Il devait seulement suivre la voie que Dieu avait. Ya ile njia mwile wakati. En dehors de cette voie-là en ce temps-là, c'était la mort. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Niko napenda kila ndugu na kila dada. J'aime que chaque frère et chaque sœur, aone vile Mungu anatumikaka. Voyez comment Dieu travaille. Mukila nyakati Mungu anegalaka na njia. Tout temps Dieu a une il voie. Il a tayari chaque qu'il prépare. Angalia wakati watoto wa Israeli walikuwa mubutu. Regarde quand les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage. Balikuwa mumateso mumikono ya Pharaon. Ils étaient en souffrance dans les mains de Pharaon. Mashiku miaka kapita ya mingi bebo paka mubutumu. Les années sont passées, ils étaient toujours dans la servitude. Kirio kiabo kafika kumbele ya Mungu. Leur pleur était arrivé devant de Dieu. Mungu akabakumbuka. Dieu s'est souvenu d'eux. Mungu apate kubariki. Dieu vous bénisse. Akatuma Moïse. Il a envoyé Moïse. Akabapasuria na ile njia. Leur a frayé aux yeux. Dieu a kusema batoke mu ministry. Qui puisse sortir de l'Égypte. Bende mukana. Pour aller à Canaan. Est-ce que tu peux pas moi? Sommes-nous ensemble? Kama unangaria wakati batoto Israel balianza kutoka mu Egypte. Si vous regardez quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. Frère Branham, on sait bon. Le Ndou Branham dit. Kama unangaria Egypte. Si vous regardez l'Égypte. Na Kana. Et Kana. Musafari alwa mikulu. Dans le voyage par terre, quand il marchait à pied. Mutu anaweza kutembea pale fachi kwa manjele mutu anaweza kutembea tu 3 jours. Il y a des fois que l'homme peut marcher pendant seulement 3 jours. Na anafika. Et il arrive. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mais Mungu wakati alipapasuria njia. Mais quand Dieu a frayé la voie. Mungu achikabaonesha kale kanjia kakukatirisha. Dieu ne leur a pas montré la voie la plus courte. Njia ya Mungu ilikuwa ni bende mu majangwa. La voie de Dieu c'était qu'ils aillent au travers du désert. Mon raisonnement ya bumuntu. Dans le raisonnement de l'homme. Kama Mungu alibauliza kaboba chakule. Si Dieu leur avait posé la question. Israël yote. Tout Israël. Baribasha kuchakula njia mfupi. Devait choisir la plus courte voie. Mungu apate kumbariki. Parce que mutu munature yake dans la nature de l'homme anapendaka bintu bifuanike kufuatana na vile yeko naona kuona kwa bantu la vision de akuya kuyaka kuona kwa Mungu n'a jamais été la vision de Dieu. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Na kama Israël bari batiria batakule bo angaria frère. Regardez mon frère. Batoto ba Israël. Les enfants d'Israël. Bote ba ripasha ka kufa banga ufika ka tamoya mu Kana. Vous allez mourir, il n'y a aucun qui pouvait arriver à Kana. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Akuna tamoya ripasha ka kufika mu Kana. Il n'y aurait personne qui arriverait. Angaria mbele pale ba ritoko. Maintenant regardez comme ils étaient sortis. Pharaon na ba itikia tu waji tu. Pharaon accepté clairement. Mutoke muende. Sortez et partez. Batoto ba Israel wananza kutoka. Les enfants d'Israël sortent. Mais Mungu alimuonesha Musa. Mais Dieu a dit à Moïse. Njia ya mwe kufuata. La voie qui vous devez. Ni ya kubahari mwekunda. C'est la voie de la mer. Kama barifuanyaka ere. Si ils avaient commis l'erreur. Frère bange kufuata bote. Ils seraient morts tous. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Angaria frère. Regardez mon frère. Njia ya wa milele. La voie de l'éternel. Njo njia tu mzuri. C'est ça la meilleure voie. Biblia kona sema. La Bible déclare. Mu proverbe. Proverbe chapitre 14. Tusome mbele ya andiko. Lisons cette écriture. Proverbe 14. Mezali 14. Verset yake 12. Mstari wa 12. Biblia inasema hivi. La Bible déclare. Telle voie paraît droite à un homme. Njia fulani inaonekana ya kunyoroka kwa mtu. Mais son ici. Lakini mwisho yayo. C'est la voie de la mort. Njia rufu. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Unaona frère? Vous voyez mon frère? Kama Mungu anatutumia neno. Si Dieu nous envoie sa parole. Tuko mumapashwa. Nous sommes dans l'obligation. Ya kuitikia kufanya paka kile Mungu anasema. C'était de faire seulement ce que Dieu nous dit. Kama tuko napenda shiku moya kwenda mkunyakuliwa. Si nous vraiment un jour aller dans la vie. Kila nduku na kila dada. Chaque frère et chaque soeur. Mumaisha yake. Dans sa vie. Anapata kwanza kuchunga neno. Doit commencer à garder la parole. Kupita kitu kiote. Jusque tout autre chose. Parce que inje ya neno. Parce qu'en dehors de la parole. Ni inje ya lufu. C'est la mort. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Batoto ba Israël kama barifuanyaka ere. Les enfants d'Israël, s'ils avaient commis l'erreur. Bange kufuata bote. Ils seraient tous morts. Pharaon anafanya ruse. Pharaon a commis une ruse. Asema mwe mwende tu. Vous partez seulement. Manatoka bananza kwenu. Ils sont sortis. Mais wala fika tena kule conseil na mfuata. Ils sont arrivés, le conseil les a. Asema tuwezi kuacha babantu bende. Parce qu'il faut pas laisser ces. Majibu tena na mfuata. Les jours nous suivaient. Anasema ana armée yake. Il a armé son armée. Asema tufuate babantu. Il a dit suivons ces. Abawezi kwenda na bintu byote. Il ne peut partir avec toutes ces histoires comme ça. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Unaona frère? Vous voyez mon frère? Unaona dada? Vous voyez ma sœur? Kama unasema unaamini. Si tu dis que tu as cru. Hapana kufanya miza. Il ne faut pas blaguer. Amen. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Hapana kufanya unaona mumambo ya Mungu. Vous voyez dans les choses de Dieu. Kile kinafanya banduku mingi na badada mingi leo. C'est que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Banashinda ta kutambuka bahari mwekundu. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à traverser la mer rouge. Ni michezo. Ce sont les blagues. Amen. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Angalia frère. Regarde mon frère. Kama kuko kitu kinaweza kusekirize mwaminifu. Il y a quelque chose qui peut sécuriser un croyant. Ni paka neno ya wa milele. Seulement la parole de l'Éternel. Na kama mtu anatoka nje ya neno. Si un homme sortait de la parole. Frère. Duku. Unakuya chakula ya mademo. Vous devenez la nourriture des démons. Unakuya chakula ya mademo. Vous devenez la proie des démons. Leo kama konaona banduku mingi leo. Si vous voyez beaucoup de frères. Bana shinda kutambuka ata bahari mwekundu. N'arrive pas à traverser. Bana shinda kufika ata mukana. N'arrive pas à arriver à Cana. Bana bakiririe mpaka kule ngambo ya Egypte. Il demeure du côté de l'Egypte. Mukule chakula ya mu Egypte. En mangeant la nourriture de l'Egypte. Ni juu ya michezo mu mambo ya Mungu. À cause des blagues dans les choses de Dieu. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Parce que Mungu frère. Parce que Mungu mes frères. Asifanyake kitu kia bule. Il ne fait quelque chose en Mungu. Mungu alimwambia Moïse. Dieu a dit à Moïse. Angalia Moïse. Regarde Moïse. Niko nakutuma mu Egypte. Je t'envoie en Egypte. Ukanidoshe batoto ba Israël mu Egypte. Sortir les enfants d'Israël. Wende labo paka ku Kana. Et aller avec eux à Cana. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble. Ndio kifukuzie kwa milele. C'est ça l'objectif de l'Éternel. Na ndio kile Mungu alimtumia kwa Musa. Pourquoi Dieu avait envoyé Moïse? Bana toka. Ils sont sortis. Pharaon anasema hapo watu wanafia kunichezea. Pharaon a dit ces gens veulent se jouer de moi. Twende tukawa fote tubamalize bote. Allons les suivre et les exterminer. Barikotola ndio safari. Ils se sont trompés seulement. Pharaon alikotolaka sana. Pharaon c'était parce que Moïse. Parce que Moïse. Alikuwa prophète. Il était prophète. Asikwanza kutembea kufuatana na akili yake. Il ne marchait pas selon sa vision. Moïse alianza kutembea kufuatana na kile Mungu anamuonesha. Comment c'est que Dieu lui disait? Na kama mtu anaheshimia manjia ya Mungu. Et si un homme respectait les voies de Dieu? Hakuna démon itamwezi. Il n'y a aucun démon qui peut le résister. Mungu apate kumbariki. Dieu vous bénisse. Hakuna demo hata moya taweza kumweza. Il n'y a aucun démon qui peut se jouer de lui. Kama mtu anaheshimia sauti ya wa milele. Si un homme respecte la parole de l'Éternel. Hakuna demo hata moya. Il n'y a aucun démon. Kama Mungu anapasula njia. Si Dieu fraye une voie. Njia ya Mungu inakalaka paka ya bien. La voie de Dieu a toujours été meilleure. Pharaon sasa tutaenda kubauya pale. Pharaon a dit nous allons les tuer là-bas. Aba benye beko naenda. Niko bumbafu. Ils sont de simplement des insensés. Kumbe kwa bari mwekundu. Oui, oui, ils sont hier même. Kumbe beko naenda wapi? Là où ils s'en vont où? Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mais bon bari kwa najua kule beko naenda. Mais eux savaient où ils allaient. Amen. Pharaon anaanza kubafuata Dieu enda kabamba. Pharaon commence à les suivre pour les tuer. Angalia frère. Regarde mon frère. Angalia dad. Regarde ma sœur. Kama mtu anasema anaamini. Si un homme disait qu'il a cru. Ayue kusema msafari ya imani. Il sache que dans la marche de la foi. Unaanza mambo na mademon. Commence les problèmes avec les démons. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble. Christianisme. Le christianisme qui Christ. Aina michezo. Ce n'est pas les blagues. C'est que mademon yote. Tous les démons. Pale we unasema unaamini. Quand toi tu dis que tu as cru. Inaanza sasa kuya kukutembelea. Les démons viennent maintenant te visiter. Na kila mukristo. Et chaque chrétien. Anapasha kujua kusema. Doit savoir que. Safari ya imani. La marche de la foi. Haikalake safari ya teketeke. Ce n'est pas une mince affaire. Haina safari ya kubeba vitu na michezo. Ce n'est pas une voyage à la légère. Kama unasema unaamini. Si tu dis que tu as cru. Kile kinakaburia kama mwaminifu nguvu. Ce qui donne à un croyant la force. Ni maombi. C'est la prière. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Tu unaingia ni mvita. Parce que tu entres dans la bataille. Na ile mvita uko na combat. Et cette bataille que tu lis. Uko na combat na mapepo mchafu. Tu combats avec le mauvais esprit. Mais ça vile ni Mungu alikuita. Comme c'est Dieu qui t'a appelé. Mungu asita kuacha. Dieu ne peut pas t'abandonner. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble. Kutafika wakati moya. Pour un certain temps. Unabeba mipango ya kuamini. Tu prends maintenant des décisions de croire. Ile mipango ribeba ya kuamini. Cette décision de croire que tu as pris. Ni mipango ya bia kweli. Ce sont des véritables décisions. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Aina ta ya miza. Ce ne sont pas des blagues. Batu bengine wanawajia kusema. Certaines personnes pensent que. Kubeba décision ya kuamini. Prendre la décision de croire. Ni vitu bia michezo. C'est facile. Angalia frère. Regarde mon frère. Angalia dad. Regarde ma sœur. Biblia, la Bible ndio iko nasema declare mwende mkahubiri habari njema allez prêcher la bonne nouvelle ku bantu bote à tout le monde bale bataamini ceux qui vont croire mukababatize allez bale baptize ku baptiziwa nako se faire baptiser ni amri ya wa milele et le commandement de l'Éternel mwaminifu yote tout croyant et comme mabasho na ye abatiziwe il a l'obligation d'être baptisé. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble. Kama uya batizi waka. Si tu n'es pas encore baptisé. Ni kusema uko désobéissant. C'est-à-dire que uko kutokuti. mwaminifu wote tu croyant anabashwa na ye abatiziwe il doit aussi être baptisé parce que Yesu Kristo ye ndio Mungu c'est lui Dieu na ye alimwambia Jean c'est lui qui a dit à Jean na mimi unapasha paka kunibatiza wao aussi tu dois me baptiser wakati unabeba engagement quand tu prends cet engagement là hapana kufanya mizaha il ne faut pas encore faire de blague. Mungu apate kumbariki. Yeye Dieu kubariki. Shetani ataanza kujiaranger. Satan va s'arranger. Dieu va vous décourager. Vous te décourager. Faisez-les. Dieu va vous faire bintu. Vous te faire des choses. Utafika wakati moja. Il y aura un certain temps. Unaanza kuagir. Tu commenceras à penser. Une décision miribeba. Cette décision que j'ai prise. Ni kosa ni nifanya erreur. C'est comme si j'ai fait une erreur. Angaria frère. Regarde mon frère. Angaria dad. Regarde ma sœur. Hakuna decision mzuri. Il n'y a pas une meilleure décision. Mon maisha ya mwanadamu. Dans la vie d'un homme. Sa décision ya kufuata Yesu Christ. Comme la décision de suivre Jésus Christ. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble. Frère Branham. Duku Branham. Je pense que ni frère Frank. Bina wazia ni Duku Frank. Mon message moi arubiraka le mariage. Dans un sermon le mariage. Et qu'on a sema. Il dit. Mon décision mutu anabebaka minene pa dunia. Dans les grandes décisions que l'homme prend dans ce monde, inegalaka tu ni mbili. Il y en a que deux. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Ya kwanza, la première décision. Ni wakati mutu anabeba décision ya kufuata Yesu Christ. C'est quand un homme prend la décision de suivre Jésus Christ. Ndio décision ya kwanza munene. C'est ça la plus grande, la première décision. Na ya pili ni wakati mutu anabeba mipango ya kuoa bibi. Et la deuxième c'est quand un homme prend la décision de se de marier. Oh ya kuitikia bwana mwao. D'accepter un mari. Jo mipango minene mu maisha mwanadamu. Ce sont les deux grandes décisions. Mais il est ko yulu ya ma décision yote. La seule décision ni engagement il est muribeba. C'est l'engagement que toi tu as pris. Ndio iko yulu sana. C'est ce qui est au-dessus. Maintenant kama unabeba ile mipango. Si tu prends cette décision, usiwazie kusema. Ne pense pas que Shetani atakuacha. Le diable va te laisser. Hapana. Non. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Shetani hajita kuacha. Le diable ne peut pas te laisser. Shetani anaweza kuanza kukutembelea. Le diable peut commencer à te visiter. Juu ya kuya kujaribu imani yako. Pour éprouver ta foi. Ndio vile Shetani anekalaka. C'est comme ça qu'est le diable. Na kila ndugu na kila dada. Et chaque frère et chaque sœur. Anabasha kujua kusema. Va savoir que. Mwinji ya Mungu atupasuria. Dans cette voie que Dieu nous a frayée. Ni njia ya majaribu. C'est la voie des épreuves. Frère Branham mbona sema hivi? Duku Branham parle ceci. Mui message dans ce sermon posséda les portes de l'ennemi. Benye ku shikwa milango ya badui. Frère Branham anasema hivi. Frère Branham parle ainsi. Mu paragraphe yake hapa hapa onekane mzuri eh. Paragraphe 32. Nuktake makumita tunambi. Anasema hivi. Il dit ceci. Mina nzia mkatikati. Je commence au milieu. Chaque fils qui vient à Dieu. Kila mwana eko nakuya kwa Mungu. Doit être mis à l'épreuve. Anapasha kuwekwa mkipimo. Kila. Frère Branham asikusema. Le frère Branham n'a pas dit. Bale bote banakuya kwa Mungu. Tous ceux qui viennent à Dieu. Kutoshia paka weye. Sauf toi. Ah ah. Non. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham anasema. Le frère Branham dit ceci. Chaque fils qui vient à Dieu. Kila mtoto anakuya kwa Mungu. Doit être mis à l'épreuve. Anapasha weki mkipimo. Il doit être éprouvé. Anapasha kupimiwa. Et testé. Na kupimiwa. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Parfois. Wakati mwingine. Il laisse la maladie vous frapper. Anaacha magonjwa kupige. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Unaamini? Tu as cru? Unashanga magonjwa yanaanza kukubamba. Yesu pike les maladies commence à t'attaquer. Ni Mungu yuko na kupima. C'est Dieu qui est en train de te prouver. Yuko na kuweka mkipimo. Il te met dans l'épreuve. Tu ule wote anaamini yaka. Tu celui qui ule wote anaikalaka mkuamini. Parce que tu celui qui croit. Batoto ya Mungu bote. Tous les enfants de Dieu. Mungu anawapitisha mkipimo. Dieu les fait passer dans les épreuves. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Anaweza kuacha magonjwa ikuye. Il peut laisser les maladies arriver. Ikupike. Que ça puisse t'attraper. Inakupika sana. Et ça t'attrape. Il laisse des démons venir sur vous. Eko nacha maumivu kunakuya yulu yako. Bitu mibaya. De mauvaises choses. Ni Mungu hapo naacha bikufikie. C'est Dieu qui laisse ces choses d'arriver. Ushiwaje kusema pale mimi naamini. Ne pense pas que quand tu as cru. Bitu byote bitakuwa teketeke. Toutes choses deviendront maintenant faciles. Ah ah. Non non. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Kama unaamini, si tu as cru, unaamini ni juu ya kukombana. Tu as cru c'est pour livrer bataille. Parce que safari ya imani. Il est mon maritoirichir. Ce que Dieu avait préparé. Ni safari mouna tuna pimwaka pimwaka. C'est la voie dans laquelle nous sommes tout le temps en train d'être éprouvés. Mon mot de marie. Frère Branham a raconté l'histoire ya aigle. Dieu, frère Branham raconte l'histoire d'un aigle. C'est ma aigle à la fonyaka. L'aigle fait ce. Kama nazala matoto yake. Il y a un temps où il les met sur des endroits. Il y a des épines qui les touchent. Est-ce que tu pas moi? Sommes-nous ensemble? C'est que tu commences de les mettre à un bon endroit. Qui sait qu'on est dans la tour? Ça n'a pas fait des histoires. Il y aura certains où on va les mettre sur les épines. Il est Dieu qui entraîner. Ça, c'est pour les entraîner. Et les enfants de l'aigle doivent être bien entraînés. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Bah, mini fubote, bah, bien quoi? Les véritables croyants. Même quand le problème surgit. Bah, ne kala kani bah soldats, bah, bien formés. C'est comme des askari qui sont bien formés. Un chrétien n'est pas un recrut. Christ, on a oublié bana inchamu. Mamba la kubamba mujama. Et le problème c'est de te surprendre dans la famille. Kambov mujime na yuwa. Tu kambov connais. Pourquoi mupagane? Ah, tu es encore un païen. Mungu bado mbari. Dieu Dieu béni. Mamba la kubamba musafari. Le problème t'attrape. On a quoi? On a kamatiri ya uyu. Commence à. On a kamatiri ya uyu. Commence à. Ah, on a chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Bah, Christ, on y va soldats bien formés. Les chrétiens sont des soldats bien formés. Venez pour du fond dans vos yeux. Mungu bado mbari. Dieu Dieu vous bénisse. Dieu vile ba Christ ba ne kala. C'est comme ça que sont les. Dieu fait passer ses enfants dans ses épreuves. C'est la vérité. Libiakoué. Oui. Dio. Il laisse des démons venir sur vous. Pour vous tester. Et vous éprouver. Afin de montrer au monde. Que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Vous ne pouvez pas vous marier. Dieu vous bénisse. Il permet et qu'on a rousse, par sa propre volonté et qu'on a pensé à qui mouniewe, il permet des désastres. Et qu'on a terché ma matesu, mangaïku. Angaria frère. Quand on dit comment il y a la lamentation de Jérémie. Il y a une écriture dans la lamentation de Jérémie. Chapitre 3. La Bible qu'on a sème. La Bible dit que. Et tu connais ça qu'il y a mambo mubaya ku bantu. Peut-il y avoir un problème? Il est Mungu ashikweza kuitikia. Que Dieu n'a pas accepté. Angaria frère. Regarde mon frère. Ata kama mambo inakufikia. Si un problème t'attraper. Mwaminifu anajua kusema. Incroyant. Il mambo pale inafika. Le problème quand il est arrivé. Mbingu Mungu anayua. Au ciel Dieu connaît cela. Parce que frère Branham on a sema. Donc Branham il dit. Mungu eko na atiria. Dieu laisse. Kupitia mapenzi yake kamilifu. Au travers de sa volonté parfaite. Vitu mikufikie. Que les choses t'arrivent. Ça que frère. Nous sema ndu. Kama unakuwa chrétien. Si tu deviens chrétien. Ataka mabakuowe. Même si tu n'es pas marié. Utasema mumbingu bana yu. Tu diras qu'au ciel on connaît cela. Est-ce que tu comprends? Nous sommes ensemble. Ata upate makuta ya kuowa. Même si tu ne trouves pas l'argent de te épouser. Utasema mumbingu bana yu. Tu diras qu'au ciel on connaît cela. Est-ce que tu comprends? Nous sommes ensemble. Mungu ananiacha hivi. Dieu m'a laissé comme ça. Sa vile niko mu Kristo. Comme je suis un chrétien. Et qu'on anipima. Il est en train de me. Kumwani na mashiku. Un jour. Bitu bitendeke. Les choses marcheront. Amen. C'est comme ça qu'un chrétien. Il permet des désastres. Et qu'on atterrit chez ma mifu mateso. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Et qu'on a reçu ta rafiki yako pote kugeukia. Frère, duku. Mtu anaweza kusema. Et non pour dire. Mungu kweli. Eti Mungu kabisa. Tu anaweza kuitikia huyu dada. Me permettre que c'est ce. Huyu frère. Que c'est frère. Nilikuwa tu naye bien. J'étais en bon terme avec lui. Il vient anaweza kunifuanya. Pourquoi me fait? Ni vitu kani. C'est comme c'est quelque chose de chose. Biblia kona sema. La Bible déclare. Vitu biote. Toutes choses. Biko na tumika juu mwe mnapenda. Travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Mungu bado bariki. Yeye Dieu bénisse. Mungu anaweza kupermettre. Peut permettre. Ata ule dada wewe unapendaka sana. Même ce frère que toi tu aimes beaucoup. Ule frère unapendaka sana. Même ce frère que toi tu aimes beaucoup. Anaanza kukuchukia. Commence à te haïr. Amen. Anaanza kukusemea vibaya. Commence à dire de mal de toi. Ile ni njia Mungu alitayarisha. C'est la voie que Dieu a frayé. Mandia ya Mungu. Les voies de Dieu. Inaachana na mandia ya bantu. Différentes des voies des hommes. Mungu bado mbariki. Dieu vous bénisse. Bile biote biko nafika. Tout ce qui arrive. Ni juu ya kutuformer. C'est pour nous entraîner. Est-ce que tu comprends moi? Mungu anaweza kupermettre. Dieu peut permettre. Bantu baanze kukritiquer. Que les gens commencent à te critiquer. Utajiuliza sema, ah frère. Tu vas te demander ndu. Bantu banana tu kuni critiquer. Il commence à me critiquer. Frère. Unaona Mungu. Vous voyez Dieu. Kutenda kwa Mungu kunaachana na mawazo yetu. La manière de faire de Dieu diffère de nous. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Frère Branham, on a sema. Frère Branham, avant qu'on évolue, bien qu'on délaye, Il dit quelque chose que je voulais vous dire. Les sentiers de la vie. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 26. Nous sommes à écoutez, nous allons retourner dans ce message. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 26. Nous sommes à il dit ceci. Eh bien. Et Dieu. Un homme qui ne peut pas accepter les critiques. Il y a quelque chose qui cloche avec son expérience. Est-ce que tu comprends moi? Dans d'autres façons de parler. Oule mutu atashikia bana mukritikia na shirika. Celui qui va entendre que le média est qu'il est fâché. Uko kitu kimoya akikuendeka paonjo yake ya Kristo. Il n'a pas marché dans son expérience. Est-ce que tu comprends moi? Sommes ensemble. C'est que kama unashikia. C'est-à-dire quand tu entends. Bana kuzarau. On te critique. Bana kusemea vibaya. On dit de mal de toi. Mais wewe unashirika na unaanza mambo. Mais toi tu te fâches, tu commences les problèmes. Abraham on a ce message. Abraham dit dans ce message. Kuko kitu kimoya kiendeke na onjo yako. Il y a quelque chose qui cloche avec ton expérience. Vous voyez? Unaona? Car kwani Dieu nous envoie des critiques. Mungu anatutumia makazarau pour nous corriger. Dieu kutunyoroshe. Mungu apate kumbariki. Yeye Dieu vous bénisse. Mungu wa mbingu. Dieu du ciel. Ndio anatutumia kabitu bya ile namna. Celui qui envoie de telles choses. Dieu atunyoroshe. Pour nous corriger. C'est pourquoi mutu yote anasema comme mwaminifu. Je crois moi tout homme qui dit qu'il est chrétien. Anapasa kuyua kusema. Il doit savoir que musafari ya imani. Dans la marche de la foi. Muko bitu bya mingi. Il y a beaucoup de choses. Na ukuye conscient mu roho yako kusema. Et quoi dans amis dans ton cœur en disant musafari. Dans cette marche. Muko mambo mingi. Il y a beaucoup de problèmes. Ule Mungu alinita. C'est Dieu qui m'a appelé. Atani saidi. Il va m'aider. C'est la vérité. Dis bien quoi. Oui frère. Dieu nous Dieu nous envoie des critiques pour nous corriger. Pour nous montrer nos défauts. J'ai été beaucoup aidé par les critiques. Qui sont amicales. Que Dieu vous bénisse. Pas juste pour montrer méchant et être en colère. Juste des critiques amicales. J'apprécie cela, monsieur. Frère, il faut qu'il y ait frère, il faut être un enfant de Dieu. Dieu vous bénisse. Il faut qu'il y ait un il faut être un enfant de Dieu. Na, il faut que dans ta vie, il faut que dans ta vie, ouamini biakwe. Et tu crois réellement. Parce que ibi bitu ni ma expérience ya biakwe. Ce sont des véritables expériences. Mutu ashipa kuya na Mungu. Celui qui n'a pas de Dieu. Il y a personne qui aime d'être pompati ma kazara. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Mutu ashipo kuya na Mungu. Celui qui n'a pas Dieu. Ata moya shipendaka bam critiquer. Aucun n'aime pas qu'on puisse le critiquer. Il a yote ni nini? Tout ça c'est quoi? Ni kukosa kufuata njia ile Mungu alichakula. C'est manquer de suivre la voie que Dieu. Munjia ile Mungu alitayarisha juu yetu. Dans la voie que Dieu a préparée pour nous. Munekalaka ma critique. Il y a des critiques là dedans. Il n'est qu'à la calme, frère. Il y a des critiques. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Il y a quoi? Anarudia mposeda la porte de l'ennemi. Il retourne. Shika milango ya adui. Anendele. Il continue. Il permet par sa propre volonté. Il permet des désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet toutes ces choses. Et lâche le diable après vous pour vous tenter. Mais il est mimirishanga. C'est ce que je me suis étonné. C'est ce que le frère Branham dit. Et celui-ci fera tout. Sauf vous, vous enlevez la vie. C'est que mon maïs est mon Christ. C'est-à-dire dans la vie d'un chrétien. Kama unaamini, si tu crois, apana kushituka. Ne sois pas étonné. Vitu vitafika. Les choses arriveront. Mais Shetani atafanya biote. Et le diable fera tout. Paka bujima ndio ashitaweza. Seulement sauf la vie. Va t'épargner la vie. Parce que Moussafari a image. Parce que dans la marche de la foi, il est Mungu alituchakuria. C'est que Dieu a préparé pour nous. Munekalaka bipimo. Il y a des épreuves. Na bile bipimo biote frère. Toutes ces épreuves, mon frère. Bipimo biote dada. Toutes ces épreuves, ma soeur. Apana kuogopa. Il ne faut pas craindre. Mungu abote mbari. Et Dieu vous bénisse. Biblia konasema hivi. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 10. Wa Korinto wa kwanza sura ya 10. Biblia nasema hivi. La Bible déclare ceci. 1 Corinthiens chapitre 10. Wa Korinto wa kwanza sura ya 10. Biblia nasema hivi. La Bible dit ceci. Verset 13. Tara 13. Biblia nasema hivi. Biblia déclare ceci. Aucune tentation. Hakuna tajaribu moja, kishawishi kimoja. Ne vous est survenu qu'une humaine. Ila imifikia aina ya mumuntu hapana. Mungu abote kumbariki. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu qui est fidèle. Na Mungu mwenye kuwa mwaminifu. Ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Hajitaruhusu mpate kupimiwa kushindia nguvu yenu. Ule Mungu alimuita. Le Dieu qui vous a appelé. Asiweze kuitikia. Il ne peut pas accepter. Kitu kifike mu maisha yako. Que quelque chose arrive dans ta vie. Kila hutaweza. Que tu ne peux pas réussir. Mungu abote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est que Mungu ako na temperature moya. C'est-à-dire Dieu a une certaine température. Ya kupima mambo yote. De prouver toutes choses. Kama vitu vinafika au maisha yako. Si les choses arrivent dans ta vie. Uvumbule kusema. Découvre seulement. Kuko paka mkono wa Mungu quelque part. Il y a une main de Dieu quelque part. Na Mungu asiweze kuitikia. Que Dieu ne peut pas accepter. Vitu vikufikie. Les choses t'arrivent. Bila hutaweza kusupporter. Toi tu ne sauras pas supporter. Angaria frère. Angaria dada. Kama mambo nafika maisha ya mtu. Si un problème arrivé dans la vie d'un homme. Mwenye kujita mwaminifu. Celui qui s'appelle croyant. Kisha ule mtu anaacha imani juu ya ile mambo. Et après cet homme abandonne la foi à cause de ce problème. Nikusema sikuamini bien. C'est-à-dire n'a pas bien cru. Est-ce que tu pas Sommes-nous ensemble. Au kuamini bien. Tu n'as pas bien cru. Yeyote ule anaamini bien. Celui qui a bien cru. Asikalage mkuacha Mungu. Il ne peut pas laisser Dieu. Parce que biote biko nafika. Parce que tout ce qui arrive, biko nafika pale kifukuzi. Arrive pour un but. Unataka kushitu kwa naamini tu. Vous pouvez être stupide quand vous croyez. Makuto alianza kupata. L'argent que tu as attrapé facilement. Ah oui, pas de tena facilement. Tu n'attrapes plus facilement l'argent. Mungu abote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Uchiwajie kusema. Ne pense pas que Mungu ashiue. Au ciel Dieu ne connaît pas cela. Mungu anajua mambo yote. Dieu connaît toutes choses. Ile mambo yako nakufikia. Le problème qui t'arrive. Ni kipimo. C'est une épreuve. Mungu anajua. Dieu sait cela. Mungu anajua. Dieu sait cela. Asiweze kuacha jaribu. Dieu ne peut pas laisser une épreuve. Ya kupita imani yako. Qui dépasse ta foi. Mungu abote kumbariki. Dieu vous bénisse. Oui. Dieu. Et Dieu qui est fidèle. Na Mungu yuko mwaminifu. Ne permettra que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Hashtaruhusu pate kupimiwa kushindia nguvu. Mais avec la tentation. Lakini pamoja na majaribu na kishawishi. Il préparera aussi les moyens. Atatayarisha nayo namna. D'en sortir. Ya kutoka. Frère. Nduku. Mambo ile uko nayo. Le problème que toi tu as. Kama uko mwaminifu. Si tu es vraiment un croyant. Uko njia Mungu atakutayarisha wewe. Yeye ni voie que Dieu a déjà préparé où tu vas sortir. Mungu abote mbariki. Yeye Dieu veut. Hapana kushituka. Ne sois pas surpris. Ni mambo inafika muimani. C'est le problème qui est arrivé dans la foi. Mais Mungu atakutayarisha njia. Dieu déjà frayé, a déjà préparé une voie. Ya wewe kutoke. Par lequel tu vas sortir. Hakuna kitu kile shetani atafanya. Il n'y a aucune chose que le diable fera. C'est la vérité. Il y a quoi? Uko mtoto wa Mungu. Tu es un enfant de Dieu. Mungu ndiye alikuongoza mwile njia. Dieu qui t'a conduit dans cette foi. Wakati batoto ba Israeli balianza kwenda. Quand les enfants d'Israël partaient, Pharaon alianza kuyajua baue. Pharaon les suivait pour les tuer. Mungu abote kumbariki. Dieu vous bénisse. Mais ça vile baliheshimia njia ya Mungu. Comme ils avaient honoré la voix de Dieu. Frère, duku. Mungu akapasula mer rouge. Dieu a frayé la voix sur la mer rouge. Pharaon anaanza kuyasema ba mitabaua. Pharaon venait pour qu'il puisse les tuer. Frère Branham yuko nasema. Et frère Branham dit, kama unatoka unasema unaamini. Si tu sors et tu dis que tu as cru. Mubuaminifu bwako. Dans ta chrétienté. Apana tena kusupporter maisha mubaya. Ne faut plus encore supporter une mauvaise vie. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble. Apana tena kusupporter kujikompromettre muzambi. Il ne faut plus encore te compromettre dans le péché. Parce que kisha wewe kusema unaamini. Parce qu'après d'avoir dit que tu crois. Nguzo ya moto inaanza kuchoma. La colonne de feu te garde maintenant. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble. Nguzo ya moto naanza kukuchuma. La colonne de feu commence à te garder. Shetani anaweza kukutumia magonjwa. Le diable peut t'envoyer des maladies. Dieu a kusema ile magonjwa ikuwe. Que ces maladies puissent te tuer. Mais vile uliamini bien. Mais comme tu as bien cru. Ile nguzo ya moto. Cette colonne de feu. Iko na kuprotéger. Au takufua. Te protège, tu ne mourras pas. Mungu apote kumbariki. Dieu te bénisse. C'est pourquoi kile wewe unapata kusopoka. Mais c'est que à quoi c'est que tu dois prendre garde? Ni ku vérifier maisha yako. C'est de vérifier ta vie. Hapana tena kuitikia mu maisha yako. Il ne faut plus encore accepter que dans ta vie. Kuloje zambi sa zamani. Il y a le péché comme autrefois. Hapana. Non. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble. Parce que ule Mungu mwenye alikuita. Parce que le Dieu qui t'a appelé. Wakati aliita Israël. Quand il avait appelé Israël. Kumbele Israël kulikuwa nguzo ya moto. Devant Israël il y avait la colonne de feu. Angalia frère. Regarde mon frère. Mwaminifu wote ule anaamini bien. Un croyant qui a bien cru. Yulu yake kunekalaka nguzo ya moto kuna mungu. Au-dessus de lui il y a la colonne de feu qui le conduit. Ata wakati baaminifu. Même au temps où les croyants. Banekalaka mukufuani mukuishi mu désordre. Vivent en désordre. Bana jikosiaka bo benyewe. Et ils se font du tort eux-mêmes. Mungu apote kubariki. Amen. Ile nguzo ya moto moya moya. Cette même colonne de feu. Iliongozaka batoto ba Israël batoke ku Misri. Il avait conduit les enfants d'Israël en sortie. Ndio ile inaongozaka baaminifu na leo. C'est qui conduit aujourd'hui même tous les chrétiens. Mungu apote kubariki. Dieu vous bénisse. Baaminifu bale banaamini yaka bien. Les croyants qui croient convenablement. Mungu anaekalaka mukuba sécuriser ata mu mwili. Dieu les sécurise même dans ce corps ici. Mungu apote kubariki. Dieu vous bénisse. Magonjwa naweza kuya. La maladie peut arriver. Yo yenye inatuntuka. La maladie elle-même est sortie. Dieu a nini? Pourquoi? Parce que kuko nguzo iko na kukoro na kusekirisa. Il y a une colonne de feu qui te sécurise. Pale Israël va rianza kuenda. Quand Israël partait, Shetani anashirika. Le diable s'est fâché. Parce que Pharaon ni mfano ya Shetani. Parce que Pharaon c'est un type de Satan. Anakuwa na kuya mbio akabauye pale. Il venait rapidement pour le tuer là. Angaria frère. Regarde mon frère. Angaria dad. Regarde ma sœur. Mwamini fashi kufake na magonjo. Les croyants ne meurent pas avec la maladie. Attache kumoyo. Oh, ano kenji. Mwamini fana kufuaka. Un croyant meurt. Ni wakati kama inemeye. C'est quand le temps est arrivé. Ayoto mamoyo. Sommes-nous ensemble. Unaweza kugonjwa. Tu peux tomber malade. Miaka na miaka. Utafanya ata 20, 30. Même 20 ou 30 ans. Ata 50 ans. Même 50 ans. Kama mashiko ayemeya. Si les jours ne sont pas. Auta kufua. Tu ne mourras pas. Parce que ndani yako. Parce qu'en toi. Muko kitu kona kusekirize. Il y a quelque chose qui te sécurise. Mungu apote kubariki. Dieu vous bénisse. Pharaon. Pharaon. Anakuya jua bamarize. Il est venu pour les exterminer. Nguzo ya moto ile ilikuwa kumbele. La colonne de feu qui était devant. Inageuka kumkombo. Et retourner en arrière. Inakuwa katikati. Ça arrive maintenant au milieu. Na frère Branham anaambia kuna sema. Et le frère Branham dit ceci. Tusome mbele ya nje. Ils ont cette écriture. Ava ya shikwe. Mbele ya miko ya shikwendele. Frère Branham anasema hivi. Le frère Branham dit ceci. Est-ce que Dieu t'a mis au début de l'année? Ok. Aïe naïki. Quel est le kitabu minakisa? J'ai oublié le nom. Anasema paye mamu. Frère Branham qu'on asema. Le frère Branham dit ceci. Minakiacha pale pameza FTTile. Le message de Frère Branham a reubiriaka. J'ai laissé la brochure sur la table. C'est le message qui est intitulé. Bani pembele le ma brochure pour parler contre Kiroko. On m'amène ces brochures-là, j'aimerais vous lire vraiment ces choses. C'est que le frère Branham a déclaré. Excusez-moi. Si un homme disait qu'il a cru, il n'y a aucun démon qui va te tuer en cours de chemin. Il n'y en a pas. Toute ta vie en sécurité. Seulement le Dieu qui avait touché ton cœur. C'est celui-là qui commence à sécuriser ta vie. Que Dieu vous bénisse. Paka nguzo ya moto moya moya. Cette même colonne de feu. Il est quoi kumbele ya Israël. Était devant Israël. Il karudia kekala pakati. Et rentrer se mettre au milieu. Magonjo itakuya. La maladie va. Mambo itakuya. Les problèmes vont arriver. Mais uyue kusema kuheshima mwako. Mais sache que ta vie à toi. Uko en sécurité. Et en sécurité. Mwaminifu wote. Tu croyant. Anekalaka sécurisé na Mungu. Et sécurisé par Dieu. Frère, aina mawazo. Ndugu, ce ne sont pas les pensées. Kama mtu anaamini. Si un homme croyait. Mungu anaanza kumhangaikia. Dieu commence à se préoccuper de lui. Mungu anaanza kumsécuriser. Et Dieu commence à le sécuriser. Ndio vile nekalaka maisha ya baaminifu. Ça a toujours été ainsi, la vie des chrétiens. C'est la vérité. Ni bien quoi. Mwaminifu kama anaamini. Un chrétien lorsqu'il croit. Mungu naye anaanza kuprendre soin yake. Dieu commence à kumhangaikia. Ndio vile Mungu anekalaka. Comme ça que Dieu est. ne peux pas te laisser en cours de chemin. C'est dans ce message la rédemption dans sa totalité dans la joie. J'aimerais vous lire ce que Frère Branham a déclaré. Samani, Niumie. Il dit ceci. Paragraphe 57. Nous maintenant remarquez. Alors, la chose suivante que Dieu fait. Aussitôt qu'ils sont devenus des croyants et des enfants et qu'ils ont accepté Dieu, l'ennemi de la mort physique s'est lancé. Est-ce que tu vois pas moi? Et ils sont nous ensemble. Aussitôt qu'ils deviennent des chrétiens, l'ennemi de la mort physique vient. Il continue en disant. Il s'est lancé. Il s'est lancé à leur poursuite. Et il les a coincés. Complètement. Le désert d'un côté. La mer rouge de l'autre. Les montagnes d'un côté. L'armée de Pharaon qui arrive. Qui les poursuivait. Des millions de soldats. Qui marchaient sur eux pour les... Pour les vaincre. Oh, Dieu avait déjà manifesté qu'il leur avait donné la vie. Est-ce que tu ne comprends pas? Bien que les bitouillons de Binafika, même quand toutes ces choses arrivaient, qui chahouait quoi mini, après que toi tu aies cru, qui a travaillé la nibouchima pour les mumba, ce qui est important, c'est la vie que Dieu t'a donnée. Sommes-nous ensemble. La vie que Dieu t'a donnée, c'est ça la plus grande chose. Même si la maladie venait, maman a compliqué ma famille. Les problèmes te compliquaient dans la famille. Sache que c'est Pharaon. Amen. Ta famille peuvent te haïr. Ya imani à cause de ta foi seulement. Ile mambo yanafikiaka bantu ba mingi muimani. Le problème arrive à beaucoup de gens. Hapana kushituka. Ne sois pas surpris. Hapana kurudia ku Mkongo. Yo vile msafari ya imani binekalaka. Kama mtu anaamini. Quand un homme croit, mademo yote yanalamuka cha kumkombanisha. Tous les démons se soulèvent pour se pour lui combattre. Mungu apote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ndio kweli. Oui frère. Ndio ndugu. L'armée de Pharaon, jeshi ya Pharaoni, qui arrive, inakuya, à leur poursuite, mafouate, pour les vaincre, bashindia, or Dieu, Mungu, avait déjà manifesté qu'il avait donné la vie. Oui frère, 59, l'ange de la mort est passé par des cieux, n'avait pas 60, comme pour les croyants, aussitôt qu'il reçoit le salut, peut-être qu'il est rongé par un cancer ou par une autre maladie, Dieu procure aussi la rédemption par la puissance. De même qu'il procure la rédemption pour l'âme, il procure aussi la rédemption pour le corps. Où le Mungu anakuokola. Le Dieu qui t'a sauvé. Kama unaokolewa. Si tu es sauvé. Hata kama ulikuwa na magonjwa. Même si tu avais une maladie. Kisha wewe kuamini. Après que tu aies cru. Mimi nilisikia mtumishi wa Mungu alisema ile mambo na dimanche. J'ai entendu le serviteur de Dieu dire ceci à toi. Angaria frère. Regarde mon frère. Angaria dada. Regarde ma sœur. Kuamini ni kitu kinene sana. Croire c'est une grande chose. Hata kama avant kuamini. Même avant que tu crois. Ulikuwa na magonjwa ilianza kukuangaisha. Il y avait une maladie qui te tourmentait. Kisha tu wewe kubeba decision. Après que tu aies pris. Kuanzia pale sema tu mambo inaisha. À partir de là dis que le problème est terminé. Parce que kuanzia pale. Parce qu'en commençant par là. Mbingu inaanza kukuangaikia. Le ciel commence à se préoccuper de toi. Est-ce que tu comprends? Sommes-nous ensemble. Kisha tu wewe kuamini. Après que toi tu aies cru. Maisha yako. Ta vie à toi. Inakuwa contrôlée na Mungu. Commence à être contrôlé par Dieu. Aïna cancer. Ce n'est pas le cancer. Aïna tuberculose. Ce n'est pas la tuberculose. Aïna magonjo yote yote. Ce n'est pas n'importe quel maladie. Il est qu'on a ouezo. Il y a maintenant le pouvoir. Il y a pouvoir. Doté un chrétien de la terre. Ils étaient sous les sangs. Mais pourtant, Pharaon, l'ennemi, allait les détruire, les tuer tous dans le désert. Alors Dieu a montré sa puissance de rédemption pour leur corps. Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Parce que il avait déjà dit Moïse, Moussa, de faire sortir de la niche. Et les amener à Kouakoubari. Que Dieu vous bénisse. Quand un mouton en a mis le mouzouri, si un homme croyait véritablement, c'est que mission est à Mungu. Donc la mission de Dieu, ni pas quand le mouton fait que vous baptisez au Rome Takatif. C'est que cet homme arrive dans le baptême du Saint-Esprit. C'est ça l'objectif de Dieu. Et si un homme croyait comme il arrivera certainement dans le baptême. Et avant d'arriver dans le baptême du Saint-Esprit, dans ce temps-là, le diable ne peut pas le tuer. Il ne peut pas réussir à le tuer. Il n'a plus cette force de doter du monde. Non. Il n'a pas cette force. Il a manifesté sa puissance pour leur corps. Est-ce que vous saisissez? Vous saisissez de quoi je parle? Oui. La rédemption par la puissance. Et alors? Au moment où l'ennemi les avait presque rejoints, la glorieuse colonne de feu surnaturel qui était au-dessus d'Israël s'est élevée et est venue se placer entre eux et la mort. Je ne sais pas si vous entendez ce que Frère Branham dit. Très bien. Après qu'ils aient cru, l'ennemi est venu avec toute sa force pour qu'ils puissent les exterminer. Mais le Dieu du ciel, il s'est tenu là. La mort de Mungu Il n'y avait pas moyen. Il faut qu'ils arrivent là où je les ai appelés. C'est la vérité. Et bien quoi? Laissez pénétrer cela. Pendant quelques minutes. Pouvez-vous voir de quoi je parle? Est-ce que tu comprends moi? Est-ce que vous n'avez pas chicané qu'on a semé Dieu à nous? Et vous savez de quoi je parle? Maintenant, pour chaque croyant, Dieu m'a mis fort. Chaque enfant de Dieu, toto wote wa Mungu, né de nouveau. Quand la mort vient à la porte comme un voleur, wakati dufu na kwa kumulango sa mwizi, prématurément, na haraka kwa mbele wakati, l'ange de Dieu, malaika wa Mungu, se place entre vous et la maladie. Eh, unashimama katikati yako wewe na magonjwa. Bon, mzuri. Si vous voulez vous précipiter vers elle, kama unapenda uende haraka kwayo, ça vous regarde. Il est na kuangalia wewe mwenyewe. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Kama unapenda ukufue, si tu veux vraiment mourir. Frère Branham m'a dit mambo na kuangalia. Frère Branham dit que c'est pour te concerne. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Na Biblia qu'on asema. Et la Bible déclare, l'ange de l'Éternel, malaika wa milele, campe, et on a fanya camp autour, kando kando, de ceux qui le craignent. Ya baba kuna mogo. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. C'est que kisha mtu kusema anaamini. Ndio pekee yake nom eh dit qu'il a cru. Maisha yake yote. Toute sa vie. Il a pas à kuya caractériser. Doit être par la crainte de Dieu. Na woga wa Mungu. Ouf. Je vois aiwa. Mahubiri yenye shia mesante naishi. L'heure est déjà terminée. Mungu alibariki. Que Dieu vous bénisse. Ce chiba de toi. Maintenant, tu rentres à venir tu n'as pas pensé à bien. Mais ça, il s'appelle. C'est que comme si tu n'as rien que ça, si tu veux que tu n'es pas. Tu n'avais pas regardé à la montre, tu ne savais pas là où. Tu fais qui? Méditons. Quoi, mine à une amie? Croire, ce n'est pas. Comme un mouton en amine. Si un homme croyait. Frère. Doku. Kuko kintu kya kimungu. Il y a quelque chose de divin. Ule mutu wa kimungu. L'homme divin. C'est l'ange de l'Éternel. Il malaika wa milele. Et l'ange de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même. Il malaika. La Bible nous dit. Il vient à ce. Il campe autour de ceux qui le craignent. Frère. Kila kikuna fwa kufanya leo banduku mingi na badada mingi bakuya mubutuma wa shetani nikukosa boka kwa Mungu. Wakati mtu anavunja bishila kwa sauti ya Mungu, malaika na mwachi. L'ange l'abandonne. Mutu anako naishi peple bule. L'homme vit comme ça. Sans sécurité. Sans sécurité. Alors que Mungu wa mbingu. Jean pour le Dieu du ciel. Arikuita. T'appelle. Jukwe mkono yako. Que tu sois dans tes mains. Mungu apote kubariki. Que Dieu vous bénisse. Nkosa ni yetu chez benyewe. L'erreur est à nous-mêmes. C'est la vérité. Kama mutu anaamini. Si un homme croyait. Ki Mungu. Surnaturel. Le surnaturel. Il a mouchunga. Commence à le garder. Moi, minifu ote. Tout croyant. Et qu'on a t'aimé là. Il marche. Et qu'on a dû accuser ma mbingu qu'on a m'sécurisé. Il sait que le ciel prend soin de lui. Koutenda nzambi. Commettre le péché. Kumakusudi. Volontairement. Nibubumbaf. C'est être insensé. Tombe mungu shibu. Prions tous. Tunabakia kondoo ya malisho yako. Baba, bila wewe hatutaweza kitu. C'est pourquoi wakati wote tunakaribia mbele yako. Unetukumbusha shiku kwa shiku mapenzi yako. Hata kama mambo yanatupata katika maisha, unasema tu es le secours qui ne manque pas en cas de besoin. Ikue malari, ikue situation yote kunafika ndani ya maisha yetu. Wakati wote tunabakia munja neno lako. Tu es le secours qui est présent chaque jour. Merci pour ta parole, Seigneur. Je vais te mettre à pour te mettre à wakati ya mangaribi. Tunashikia na tunamini. Baba, utusaidie. Tushikwe tupaka bantu bakushikia. Na ima sauti yako ikwe suja meditation yetu kila siku. Bariki mtumishi wako alitumikia hii mangaribi. Wakati atakuwa tena mchumba mkumedite neno lako. Juu ya kesho umfundishe tena. Utunze magonjwa katikati yetu. Bariki batumishi yako bote katikati yetu, Seigneur. Tunaanza kutoka na kwenda. Utuchunge tena mja kurudia. Tunakulomba na imani mjina Bwana na mfalme Yesu Kristo. Amen. Mungu aimbariki. Tunafika kumwisho ya mkusanyiko. Na tuko na makomunike ya kumwisho. Badada bataleta chakula kesho. Sœur Brigitte Romain. Na Sœur Lumière Cédric. Njo badada bataleta chakula kesho.